les oiseaux tombent du nid. Des fois ils se mettent à partir, ne veulent plus revenir. Alors il me reste plus que toi, avec ton sourire qui ne s'éteint pas. On sera plus fort que ça, serre-moi encore comme ça. Serre-moi encore comme ça.